Ma malheureuse maîtresse fut donc enlevée à mes yeux et menée dans une retraite que j'ai horreur de nommer. Quel sort pour une créature toute charmante qui eût occupé le premier trône du monde si tous les hommes eussent eu mes yeux et mon cœur. On ne les traita pas barbarement, mais elles furent resserrées dans une étroite prison, seules, et condamnées à remplir tous les jours une certaine tâche de travail, comme une condition nécessaire pour obtenir quelque dégoûtante nourriture. Je n'appris ce triste détail que longtemps après, lorsque j'y suis moi-même plusieurs mois d'une rude et ennuyeuse pénitence. Cependant, je jouais à Saint-Lazare un personnage d'hypocrite. Au lieu d'étudier, quand j'étais seul, je ne m'occupais qu'à gémir de ma destinée. Je passais ainsi des jours et des nuits dont la longueur me paraissait éternelle. J'observais soigneusement le visage et les discours du père supérieur pour m'assurer de ce qu'il pensait de moi. Et je pris un jour la hardiesse de lui demander si c'était de lui que mon élargissement dépendait. Il me dit qu'il n'en était pas absolument le maître, mais que sur son témoignage, il espérait que M. de G.M., à la sollicitation duquel M. le tenant général de police m'avait fait renfermer, consentirait à me rendre la liberté. Puis je me flattais, repris doucement, que 2 mois de prison que j'ai déjà essuyés lui paraîtront une expiation suffisante. Il me promit de lui en parler si je le souhaitais. Je le priai instamment de me rendre ce bon office.